Quoi? Hein? C'est quoi le sujet là? Le rêve? Psst. Mais attends, mais tout le monde l'a déjà traité, hein? Quoi? Hein? C'est à nous à faire la différence. Ouais, cercle fermé fait la différence. Fait la différence, ouais. Cercle fermé fait la différence. Si dans tes rêves figurent les clés du bonheur, et que ces dernières ont la forme d'une testarossa avec des femmes nues à l'intérieur, c'est que tes rêves te manquent pour te cacher ton malheur. J'entends sonner les cloches vides du cœur de celui qui ne voit que l'argent comme son sauveur. J'ai fait un rêve, dedans les pauvres arrêtaient de cloner les riches et leurs faux rêves. Les jeunes avaient compris qu'avant de s'acheter un BM, fallait mieux sortir de la merde, soi et ceux que l'on aime. Qu'avant de penser que les femmes sont des objets ou des friandises, fallait mieux trouver un amour sincère parce que quoi qu'on en dise, y'a que ça qu'on emporte dans la tombe. J'ai fait un rêve et dedans c'était l'hécatombe. Y'avait pas de bonne ou de mauvaise étoile, chacun était fier de ce qu'il était, d'où il venait. Personne sur son sort ne pleurait. La vie était une peinture et pour y rester vivant, fallait mieux aimer sa toile. J'ai fait un rêve, dedans les gens savaient qu'un rêve c'est un projet qui parle le langage du cœur, pas forcément celui du porte-monnaie. Que le réaliser, c'est s'ouvrir les portes du bonheur. Mais bizarrement, pour concrétiser, c'est debout et les yeux ouverts qu'il faut se lancer. Faut se lancer. J'ai fait un rêve, ce rêve est un refrain. Enfin, celui d'en dit, est-ce que tu comprends? J'ai fait un rêve, ce rêve est un refrain. Enfin, celui d'en dit, est-ce que tu comprends? Le rêve de faire la fête toute ma vie, alors je l'ai mis en œuvre et je commence à vivre qu'après minuit. Être en vacances, je l'étais toute l'année, même à l'école j'y allais à moitié. Je me posais pas trop de questions tant que j'étais inscrit. Mais à force d'abuser, on te réunit. C'est maintenant que j'ai compris que le matin pour me lever tôt, c'est le soir qu'il faut que j'aille au lit. Avant que les démons de la nuit ne m'entraînent dans le pays où la fainéantise est reine. Ce rêve que je faisais m'a trahi, ce mensonge qui me faisait vivre m'a endormi. Il est encore temps pour moi d'être actif dès le matin, de prendre de bonnes résolutions, de les faire le lendemain. C'est le seul véritable rêve qui puisse me donner de l'ambition, la volonté d'effacer ces mensonges de ma conscience et prouver à moi-même qu'il ne faut pas compter que sur les autres, que je peux réellement me prendre en main pour construire demain. J'ai fait un rêve, ce rêve est un refrain. Enfin celui d'en dit, est-ce que tu comprends? J'ai fait un rêve, ce rêve est un refrain. Enfin celui d'en dit, est-ce que tu comprends? J'ai fait un rêve, je suis rentré dans une cour et vu jugé flic de différentes couleurs. J'ai même eu Chirac incarcéré pour avoir dit le bruit et l'odeur. J'ai fait un rêve, nous étions tous dos au mur, bouquin à la main, silo dans la bouche, à la place d'un joint. Les feuilles nous servaient à penser, plus à se défoncer. Nous connaissions chacun nos droits, aucun flic ne levait la main, même pas le petit doigt. J'ai fait un rêve, ma mère a pleuré pour moi, pas de honte mais de joie. Elle lit dans les journaux que son fils a réussi. Je n'ai jamais écrit pour séduire, mais écrit pour m'instruire, écrit pour m'instruire. J'ai fait un rêve, la France a compris le ras-le-bol de vivre dans des poulaillers. Il y a plein d'espaces verts, alors elle a construit, elle a compris que les enfants de la rue n'avaient plus autant de vices, plus autant de problèmes avec la police. J'ai fait un rêve, nos cultures sont restées les mêmes. Nos sœurs n'ont pas calqué les clips de filles américaines. Elles ont compris que pour s'intégrer, fallait pas perdre sa dignité. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, ce rêve est un refrain. Enfin, celui d'en dit, est-ce que...